fixe l'horizon. En amitié, surveille tes alentours, bientôt tes amours, fais gaffe au retour. Cours mon petit cours du globe terrestre, fais le tour. Humble, modeste, laisse-toi guider par la grâce divine. De l'heureuse harmonie céleste, de la confiance des autres sentis. Mon Dieu, en ce jour béni, peut pas faire autrement que te rendre un hommage. Un louange pour ce songe devenu réalité. Une prière, un mot merci, un court instant n'oublie la fatalité. Un livre qui s'ouvre, un souffle, un murmure, rosée du matin. Une étoile qui se lève au firmament, brut d'un diamant, esquisse d'un beau dessin. Âme saine, pieuse, tout ce qui en découle. J'en ai la chair de poule, qui est à l'abri du danger, qui partout prolifère, pas de galère. On te souhaite la bienvenue, de toutes les armes tu seras muni. Au moindre gaffe tu seras puni. On te souhaite la bienvenue, de son temps fera qu'on ne soit pas démuni. Avec force et rage, t'éviter les ennuis. Les craintes en veille, homme protecteur, sens en éveil. Calme, pas d'alarme, on a déjà versé une grosse quantité de larmes. Ce qui manque à la collection, c'est la panne du mérite. De ses armes, effet d'une météorite. Glisse tranquille sur le boulevard du bon fonctionnement de tous les organes du corps humain. Sois vrai terrien, barna, soldat, fais ton meilleur culpa. Enragé, reste pas dans l'anonymat. Avisé ici, pas t'auras pas souvent le choix. Les rapaces guettent, ne pas la couleur ta peau. Ta religion, tes convictions te rejettent. Fier que tu sois là, n'imagine pas les mois. On t'a attendu pendant tant de mois. En la médecine, place nos foies. Peu importe, l'important que tu sois enfin là. En bonne santé, comment te le dire simplement. Nous en sommes enchantés. Cours mon petit cours, fixe l'horizon. En amitié, surveille tes alentours. Bientôt tes amours, fais gaffe au retour. Cours mon petit cours, du globe terrestre, fais le tour. Humble, modeste, laisse-toi guider par la grâce divine. De l'heureuse harmonie céleste, de la confiance des autres sentis. Cours mon petit cours. Je vais être dur juste pour que tu comprennes bien. Car qui châtie M, 4 siècles, on a encore la haine. Méfie-toi de l'homme qui se croit supérieur. Y'a qu'un seul peuple dans l'immensité terrestre, mais beaucoup de couleurs. Sous l'arc-en-ciel, profite du moindre instant. Honore les morts, allume de l'encens. Sois miel à la douleur des autres, compatis, éprouve de la sympathie. Envers tes ennemis, et plus sûr de lui. L'homme au grand esprit, téméraire. Respire à plein poumon, prends de l'air. Ignore les guerres. Alexis aîné, sois guide, de pilier. Épaule où on se repose quand les choses nous échappent. Tentacule multiple, grandir implique des responsabilités. Pense tuer dans ton vocabulaire, mais face de guerre, de tuer, voler, pire, violer. Touche par l'éthique, évite ces politiques. Abreuve-toi en connaissance, car n'est pas bien l'ignorance. Relève la tête si tu te sens froissé. Rentre dans le tas, faux bras, bondir la proie, saisir les braves. On les félicite, plébiscite. Existe pas de front où aucune arme ne crépite. Les envieux dans le précipice nous précipitent. Le respect est réciproque. Sois grand dans ce monde à travers les bonnes œuvres. Marque ton époque, jour de joie, garde la pêche et la foi. Je m'arrête là, espère au plus profond de mon être qu'un jour ce morceau tu l'écouteras. Quand ça n'ira pas, tu cogiteras. Chaque acte posé a une conséquence. Ne te donne pas le droit d'être au-dessus des lois, au quotidien, reste sur tes gardes, donc méfiance. Cours mon petit cours, fixe l'horizon. En amitié, surveille tes alentours. Bientôt tes amours, fais gaffe au retour. Cours mon petit cours, du globe terrestre, fais le tour. Humble, modeste, laisse-toi guider par la grâce divine. De l'heureuse harmonie céleste, de la confiance des autres sentis. Cours mon petit cours. Cours mon petit cours, fixe l'horizon. En amitié, surveille tes alentours. Bientôt tes amours, fais gaffe au retour. Cours mon petit cours, du globe terrestre, fais le tour. Humble, modeste, laisse-toi guider par la grâce divine. De l'heureuse harmonie céleste, de la confiance des autres sentis.